ce chant-là est fatigué. Ce chant-là rentre du travail, un travail qu'il n'a pas aimé. Si nombreux à se serrer dans les transports, quand les visages se confondent, on ne peut plus se saluer. Premier wagon est assis. Son chant à lui s'est épuisé, mais son fils s'est mis à crier. Oh les parents, oh les oiseaux parents, vos ailes ont peur du vide. Oh mes parents, un peu aimés parents. Cet enfant, dans tous les brancards à ruer, a chanté propos révoltants, on l'a exclu de quatrième. Si la rue était la forêt, aurait offert fruits et dangers, l'enfant n'a eu que les dangers. Le sais-tu, ce que son chant est devenu, de ce qu'il aura préféré, de sa gorge au découpé. Et là tu bien apprises ton